pas sérieux, mais non, c'est mon chewing-gum aromatisé au petit bleu. Après-midi, pluvieux, casquette aux quatre visières bien vissée sur nos têtes de nœuds. Vous sentez la bière, me dit le régisseur, très sérieux. T'inquiète pas, pépère, dès qu'on joue, ça va mieux. Notre faute si on joue les lendemains de fête. Professionnel, notoire, y'en a même qui trouvent ça chouette. Y'a plus de fausses notes dès qu'on enlève nos casquettes. L'ami Stimorol est un ami très précieux. Si tu sens l'alcool, il garde pipi dans les yeux. En cas de crise de foi, moi qui n'ai jamais cru en Dieu,